21-17, activation orale, faire rire. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je vous trouve amusant. Et vous dites? Vous me faites rire. À vous. 2. Elle vous trouve amusant. Vous la faites rire. 3. Il vous trouve amusant. Vous le faites rire. 4. Les gens vous trouvent drôle. Vous les faites rire. 5. Elle me trouve amusant. Je la fais rire. 6. Mes amis me trouvent ridicule. Je les fais rire.